She said, t'espoir, telle une encre pour mon âme dans la tempête. Je m'appuie sur toi dans ton Seigneur, nous voulons ce soir te dire combien de fois nous t'aimons et te dire que le désir le plus profond de notre cœur, c'est de rester auprès de toi, dans ta présence, toujours là, Seigneur, dans tes bras. Alléluia. Attire-moi, toi. Should I?

tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes. Yeah. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée. Survive. c'est ta parole. Je t'adore.

tout.